إن الحمد لله، نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. رواه أحمد وحسنه الألباني. Donc le prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم a dit: إن عباد الله, certes, les serviteurs ou les esclaves d'Allah, et là c'est dans le sens les bons serviteurs, les bons esclaves d'Allah, laysu bil mutana'imin, ils ne sont pas à se complaire dans la luxure. Al mutana'imin, du verbe tana'ama, mina ni'ama ou mina an-na'ama. An-na'ama, qui est les bienfaits de ce bas monde. Donc, si on veut être des bons esclaves d'Allah, azawajal, il ne faut pas que l'on soit, que son complaise, que l'on se complaise dans la luxure ou tout ce qui est donc les bienfaits de ce bas monde qu'on trouve surtout à notre époque dans l'Occident. Maintenant, Inch'Allah, nous allons prendre le cours de fiqh, Inch'Allah, dans le chapitre de la zakat. Nous sommes toujours dans le chapitre de la zakat, et par rapport à la zakat de l'or et de l'argent, الإمام أبو شجاع رحمه الله أدي فصل من أشابيتر في النصاب الذهب والفضة أشابيتر dans quoi dans la part du de l'or et de l'argent ونصاب الذهب هي 20 مثقالا donc et la part de l'or donc à partir de combien on doit donner la zakat c'est 20 مثقالا donc à son époque on disait مثقال et hier je vais pas tout refaire parce que ça a pris du temps hier je vous ai dit le hadith par rapport notamment au dinar et au dirham par rapport au dinar et au dirham, d'accord? Dinar, je vous rappelle, qui est la pièce d'or, et le dirham, qui est la pièce d'argent. Donc ensuite, l'imam Abu Shuja, rahimallah, a dit « Wafihi rub'ul ursh ». Écoutez bien, « Wafihi » est dedans, dans cette zakat-là, il y a, quand ça atteint 20 mithqal, d'accord? Par rapport, c'est un poids de mesure, nous on a vu que c'était en grammes, ça correspond à 85 grammes. Et comment dirais-je? Lui, le prophète, il a dit Aishun dinar, 20 dinars. Donc, ce qui est. Le poids à l'époque de Abu Shujar, c'était, il disait mithqal, d'accord? Mais à l'époque du prophète, il disait bien dinar, à partir de 20 dinars. Et là, il dit quoi, Abu Shujar? Il dit le quart du dixième. Le quart du dixième. Ça veut dire qu'on prend le dixième et on prend le quart du dixième. Et c'est quoi le quart du dixième? Eh bien, c'est 2,5%. Calculez bien, vous verrez bien. Le quart du dixième, c'est 2,5%. Je prends, par exemple, un gâteau. Je coupe 10 parts, j'en prends une. Et cette part-là, je la coupe en 4 et j'en prends une. Eh bien, que vous verrez que si on coupe, ça équivaut à 2,5%. C'est-à-dire que si on devait couper le gâteau en 100 parts, ça équivaudrait à 2,5%. D'accord? C'est une autre façon de compter de cette manière. Rub'u l'ursh, le quart du dixième. C'est-à-dire 2,5%. D'accord? Wa huwa nisfu mithqal, et comme il dit, c'est la moitié du mithqal, c'est-à-dire comme avait dit notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la moitié du dinar. Le dinar, comme on a vu, qui fait en grammes 4,25 grammes. Wa fi ma zada bi hisabihi, et donc de ce qui va plus que donc les 20 mithqal, les 20 donc dinar, donc les 85 grammes d'or, alors bihsabi par rapport à son compte, c'est-à-dire qu'on sort 2,5%, d'accord. Ensuite, il a dit rahimallah wa nisab al warik, et donc al warik c'est al fidda, c'est l'argent, d'accord. Des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, on trouve qu'il utilise ce mot-là, al warik, c'est al-fidda, est l'argent, le métal précieux, l'argent, d'accord? Ou al-nisab mi'ata dirham. Donc là, il a dit la même la prononciation que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La part de l'argent, c'est 200 dirhams. Et il dit, wa fihi rubul ouch, et dedans, il y a le quart du dixième, c'est-à-dire 2,5%. Et comme il dit, wa huwa khamsatu darahim, et c'est-à-dire 5 pièces qu'on appelle darahim. Darahim, le pluriel de dirham. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On avait vu hier que le dirham, la pièce d'argent dirham, correspondait à 2, en grammes, à 2,975 grammes. D'accord? Et donc, et que la, en argent, en le métal précieux, l'argent, c'est à partir de 595 grammes qu'on paye la zakat. Et comme je viens de le dire, roub al-ouchr, c'est roub, veut dire le quart, ou al-ouchr, veut dire le dixième, donc le quart du dixième, c'est-à-dire 2,5%. Ensuite, l'imam Abu Shouraira a dit: Wala tajibu fil huli il mubahi zakah. Wala tajibu fil huli il mubahi zakatun. D'accord? Je vous traduis: Wala tajib, et il n'est pas obligatoire, donc il n'y a pas de zakat à sortir, sauf si la personne le veut, hein, si la personne veut donner, mais ça serait une sadaqa. D'accord? C'est pas obligatoire. Fil holi el mubah. Dans el holi, c'est tout ce qui est bijoux. C'est les bijoux el mubah autorisés. On va expliquer ça. Inch'Allah, qu'est-ce qu'il veut dire par bijoux autorisés? Alors, il y a la zakat. Donc, ça, c'est l'avis de l'imam Abu Shujar, que comme quoi les bijoux de la femme, même si, si ça atteint 85%, c'est-à-dire 85 grammes d'or ou plus, ou l'argent, ou 595 grammes d'argent ou plus, eh bien, il n'y a pas de zakat à sortir. C'est l'avis du mazhab al-Shafi'i, du mazhab al-Maliki et du mazhab al-Hanbali. D'accord? Ça, c'est l'avis de ces trois mazhabs, comme quoi il n'y a pas de zakat à sortir pour les bijoux de la femme. Si bien sûr, même ça atteint les 85 grammes d'or ou 595 grammes d'argent. Je lis quelque chose. Voilà. Par contre, je vais vous lire. On va rester un tout petit peu sur ce sujet-là. Et donc, dans le madhab al-Hanafi, qui est donc la parole d'imam Abu Hanifa, il y a une zakat à payer. C'est aussi l'avis de Ibn Hazm al-Zahiri. D'accord? C'est aussi l'avis de Ibn Hazm al-Zahiri, de fait de sortir la zakat, même si c'est des bijoux que la femme utilise. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de zakat à sortir, donc c'est la majorité, comme on vient de le voir, donc c'est trois écoles, c'est la majorité. Ils se basent sur des paroles de sahaba et de sahabiyat notamment, comme quoi il n'y a pas de zakat à sortir. Principalement, leur analyse, c'est par rapport à ça. Ceux qui disent qu'il y a une zakat à sortir, ils se basent sur certains hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, je vais vous lire, inshallah, au moins un. D'abord, je vais lire ce verset pour comprendre le hadith qui va venir. Allah Azzawajal a dit: C'est dans la sourate At-Tawbah, le verset 34. Je vous traduis. Ceux qui terrorisent, pas terrorisent, comment dire, qui mènent en trésor, c'est-à-dire qu'ils accumulent pour en faire un kanz, un trésor, l'or et l'argent, wala yunfiquna fi sabilillah, ils ne le dépensent pas dans le chemin d'Allah, fabashirhum bi'adhabin alim, alors annonce-leur la bonne nouvelle d'un châtiment douloureux. C'est pas une bonne nouvelle. C'est dans la sourate At-Tawbah, le verset 34. Ensuite, sachez que Umm Salama kanat talbasu أوضاعها من ذهب. Elle mettait, d'accord, ses billets, Audahan, ce sont des bijoux, Audahan, ce sont des bijoux d'or, min zahab, d'or. Faqalat, elle a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, Akanzunhu, est-ce que ça c'est un trésor? C'est-à-dire, elle visait le verset, est-ce que non, c'est un trésor par lequel on va en enfer si on le possède? Faqal, alors il a dit, Iza addayti zakatahu, falaysa bikanz, si tu as donner sa zakat, alors ce n'est pas un can, ce n'est pas un trésor. Le trésor, c'est-à-dire un mauvais trésor dont son possesseur va aller en enfer. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud, c'est le numéro 1564. Et il est rapporté aussi par Dara Koutni. Et le Hakim a dit qu'il était sahih, et Al-Albani l'a dit qu'il était hasan, qu'il était bon. D'accord? Et ce hadith, vous le trouvez notamment dans Bulugh al-Maram d'Ibn Hajar al-Asqalani et As-Sun'ani qui a fait l'explication char de Bulugh al-Maram, qu'il a appelé l'explication Subul Salam. Il a dit ceci dans ce hadith. Fihi, et en lui, dans ce hadith, Dalilun kama fil ladhi qablahu, il y a une preuve, comme dans celui qui était avant, il y a un autre hadith qui indique ceci aussi avant, ala wujubi zakat al-hilya, ala. Sur l'obligation de la zakat, la hilya de la zakat de quoi donc? Des bijoux. Et que tout argent donc on a sorti sa zakat, alors c'est pas un trésor. C'est pas un trésor dans le sens trésor blâmable. Donc, comment dire, la menace qui est dans le verset ne l'englobe pas. Fin de citation. Donc, par rapport à ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc sa parole implique l'obligation de la zakat. Et certains savants, comme on l'a vu notamment Abu Hanifa et d'autres, voient que c'est l'obligation et c'est l'avis le plus, inshallah, par rapport au hadith, c'est le plus proche, Inch'Allah, parce que par rapport à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les autres, par exemple, ils vont dire ce hadith, il est abrogé parce que il y a eu des sahabas qui ont dit que c'était pas obligatoire. Or, surtout certains sahabas, je vais pas rentrer en détail, comme Aïcha, je vous le dis, comme Aïcha qui disait que comme quoi la zakat n'était pas obligatoire, alors qu'elle avait rapporté des hadiths comme quoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi c'est obligatoire. Donc, ils disent, ce n'est pas possible que Aïcha rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui implique l'obligation et qu'elle, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dise comme quoi c'est pas obligatoire. Ça implique qu'il y a eu un texte qui a abrogé l'obligation. Voilà comment ils peuvent répondre, ceux qui disent comme quoi il n'y a pas de zakat obligatoire à sortir pour les bijoux de la femme. Voilà. Mais par rapport. Mais apparemment, Wallahu ta'ala a'lam, c'est quelqu'un qui peut venir avec, mais apparemment, il n'y a pas de hadith clair comme quoi qui disent qu'il n'y a pas de zakat. Tous les hadiths clairs se disent comme quoi il y a de zakat à sortir. Voilà, donc l'avis le plus juste et aussi le plus. Comment dire en arabe, al-ahwat, le plus prudent, c'est comme quoi il y a une zakat à sortir dedans. Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Maintenant, je lis une petite annotation. Oui, par rapport, donc comme je reviens à ce que dit l'imam Abu Shuja, rahimahullah, voilà, tajibu fil huli il mubah zaka. Il n'y a pas, donc Abu Shuja a dit, il n'y a pas d'obligation dans le bijou qui est autorisé de sortir une zakat. Ça veut dire quoi le bijou autorisé? L'imam Al-Razi, rahimahullah, qui a fait l'explication d'Abu Shuja, a dit, ay al-muharram kasiwar wa khalkhal rajul. C'est-à-dire, la chose qui est interdite, muharram, comme par exemple les bracelets qu'on met au bras ou à la jambe, les rajoul pour l'homme, parce que comme vous savez, c'est interdit à l'homme de porter de l'or. Ou khunsa, fatajoul zakat fihi, ou al-khunsa, c'est l'efféminé, d'accord? À savoir qu'il peut être efféminé par son comportement ou par son physique. C'est-à-dire qu'il a été créé, quand il est né avec deux sexes. Ça s'appelle un khunsa. Donc eux, ils n'ont pas, si jamais le khunsa penche plus vers l'homme, donc il n'a pas. Donc s'il porte de l'or, c'est interdit. Donc là, même dans le madhhab al-Shafi'i, il faut qu'il sorte la zakat. Donc toute bijou qui est haram, là il y a une zakat à sortir. Voilà. Maintenant, on va continuer. On a fini donc pour le zakat de l'or et de l'argent. Maintenant, on va voir un autre petit chapitre de la zakat. Donc, Fasloun, un chapitre. Donc, l'imam Abu Shuja, ici, va parler de quoi? Finissa bil zorour et wa thimar, dans la part des cultures et des fruits. Et on a vu quelle culture de quelle culture il s'agissait. C'est pas n'importe quelle culture. Et c'est pas tous les fruits, d'accord? Comme on a déjà vu. Hein, on a vu ça. Quelles sont les cultures visées? D'accord? Et les fruits visés. Donc l'imam Abu Shujar a dit wa nisabu zurur wa thimar khamsatu awsuq. Et ça on l'avait déjà vu aussi. Mais ça, donc c'est un, il le répète et après il va développer. Et la part, donc le minimum obligatoire à partir du moment qu'il faut sortir la zakat pour zurur, pour les cultures, comme par exemple le blé, quelqu'un qui sème du blé. Wathimar et les fruits, c'est pas n'importe quel fruit, comme par exemple les dattes, parce qu'on a vu que c'était les dattes et Zabib, c'est-à-dire al-inab al-jaf, c'est-à-dire que les Zabib c'est le raisin sec. Il y a khamsatu awsuq, c'est 5 awsuq. Et ça on l'avait déjà vu, donc je ne vais pas revenir en détail. Et le was, ce que je vous rappelle juste, c'est sittun sa'a, c'est 60 sa'a. Et réviser ce que je vous avais dit sur ça, parce que ça on l'avait déjà dit en détail, hein, et que le ça c'est 4 amdad. Amdad c'est le période de mud, d'accord? Donc voilà. Ensuite lui il dit wa hiya, donc il dit c'est ça équivaut à 1600 ritl. Attention, c'est pas litre. C'est pas litre, hein. C'est ritl, un ra, maksura. Après c'est un ta, c'est pas un ta, c'est un ta qui est sakina et un lam. Ritl, on a le droit de dire aussi rotl, c'est pas litre, hein. C'est pas à partir de 1600 litres, mais c'est 1600 ritl, bil iraqi, par l'Irakien. Donc c'était une mesure à l'époque d'Abou Shouja qu'ils utilisaient, d'accord? Normalement, à notre époque, ça doit être plus utilisé ou très peu utilisé dans certains pays. Wafimazada, et donc ce qui est au-dessus par rapport à comment dirais-je à ce qui lui convient, d'accord? Comme pour l'or et l'argent, ce qui est au-dessus, donc on sort toujours par rapport à ça. Wafiha insukiyat bima. Excusez-moi, juste une chose. Oui, donc ensuite il dit, excusez-moi. Wafiha in sukiyat bima isama awi sayh al-ushr. Et dedans, si elle est abreuvée, donc c'est-à-dire que si elle est arrosée, on ne dit pas le mot en français, je ne me rappelle plus, enfin si elle est arrosée par l'eau du ciel, bima isama, c'est-à-dire la pluie, el matar, bima isama, ay el matar, par l'eau du ciel, c'est-à-dire par la pluie, c'est donc la pluie qui l'irrigue. Ou as-sayh, alors as-sayh, wa al-ma al-jari ala al-ard, bisabib sad al-nahr, yas'adu al-ma ala wajh al-ard, fayaskiha. C'est quoi as-sayh? C'est-à-dire, comme a dit al-Ghazi, rahimahullah, et c'est l'eau qui coule sur la terre, dû au fait qu'on bloque une rivière ou un petit ruisseau. D'accord? Alors, l'eau monte au-dessus, sur la terre, d'accord? Au-dessus de ce petit barrage qu'on va faire, d'accord? Sur une rivière ou un ruisseau. Et donc, cette eau qui va commencer à monter, va irriguer les cultures. Donc, si les cultures et les arbres fruitiers qui sont, donc, on a vu les palmiers, donc l'arbre qui produit la datte ou le raisin, la vigne, est irrigué par la pluie ou par des rivières, d'accord? C'est-à-dire qu'on prend l'eau des rivières sans par ce moyen, par exemple, il y a quoi à sortir comme zakat? Abu Shouya rahimallah dit al-ushr. Al-ushr, c'est le dixième. D'accord? Al-ushr, c'est le dixième. C'est-à-dire, bon, bah, 10%. C'est-à-dire qu'à partir de khamsat ou awsouq, la personne va sortir le dixième et il va donner en zakat. Et s'il a plus, eh bien, il sort toujours le dixième, 10%. Ensuite, Abu Shouya rahimallah dit wa in suqiyat bidoulab. Et si donc les cultures ou les arbres fruitiers qu'on a cités, hein, sont irrigués par doulab. Alors doulab c'est quoi? Mayudilaha al-hayawan. C'est ce que les animaux font tourner afin d'irriguer les cultures. C'est-à-dire que c'est un moulin, mais c'est un moulin qui est fait par les animaux. C'est-à-dire qu'on a besoin d'animaux pour faire tourner c'est-à-dire qu'on a besoin des animaux pour faire tourner un moulin qui va ramener l'eau d'un puits ou autre. D'accord? À ce moment-là, soit par ce moyen-là, ou un nadh, c'est quoi le nadh? Hamalathu ad-dabbatu wa nakalahu lis-saqi. C'est ce que l'animal, c'est-à-dire que ça peut être n'importe quel animal, va porter sur son dos l'eau afin que le paysan va irriguer. D'accord? Donc, il y a un effort qui est produit par le possesseur de la culture pour irriguer l'eau. À notre époque, ce ne sont plus des chameaux, ce sont des machines. Si une personne prend une machine pour irriguer, d'accord, un moteur pour irriguer l'eau qui sort de la terre ou autre, ou alors qui fait amener un camion d'eau, parce que maintenant c'est plus des chameaux ou des bœufs sur lesquels on met des citernes d'eau, maintenant c'est des camions, donc à ce moment-là, qu'est-ce qui sort comme zakat? Eh bien, l'imam Bouchoujar dit Nisfouch Rochr, la moitié du dixième. C'est quoi la moitié du dixième? Le dixième, c'est 10%. Donc, la moitié du dixième, c'est combien? Eh bien, c'est 5%. Et le quart du dixième qu'on a vu, c'était 2,5%. Donc, quelqu'un qui irrigue soi-même par le biais de moteurs ou d'animaux, donc il va donner 5% de la zakat. Et si c'est la pluie où il fait juste, c'est par le ruisseau, mais il fait juste un petit barrage et tout ça pour irriguer sa culture, là c'est 10% de la récolte qui va donner en zakat. Ensuite, donc là ça va vite, Inch'Allah, voilà, on va finir ça. Ensuite, l'imam Abu Shouja, rahimallah, rentre dans un autre sujet par rapport à la zakat qui est Zakat ou l'urut et tijara. Un autre chapitre, un sous-chapitre qui est Fils zakat et urut et tijara. Dans la zakat de ce qui est mis à la vente. D'accord? De ce qui est mis à la vente. Je vous en ai déjà parlé de ceci. Je vais redonner un exemple au cas où des personnes ne s'en rappellent plus ou qui n'étaient pas là. Quelqu'un par exemple qui a un commerce et qui vend des voitures. Ou quelqu'un qui n'a pas de commerce mais qui possède des appartements et qui sont voués ces appartements, il a l'intention de vendre ses appartements ou des terrains ou des animaux ou je ne sais quoi encore, d'accord, c'est un vendeur. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être aussi de l'alimentaire ou autre. Eh bien, ce qui n'est pas encore vendu, il va faire une estimation, donc après une année lunaire, il va faire l'estimation de ce qu'il possède et dont il a l'intention de vendre, d'accord, et il va sortir la zakat. Et l'imam Abu Shouya rahimahullah dit wa tuqawwamu 'urudu at-tijara wa tuqawwamu 'urudu at-tijarati 'inda akhi al-hawl bima ishtuliyat bi. Et il va estimer donc ce qui est mis pour la vente à la fin de l'année. Donc là où il va sortir, au moment où il va sortir la zakat, bimash touliyat bi, parce quoi on achète. D'accord? Parce quoi on achète ceci. C'est-à-dire qu'il va faire une estimation par rapport à ce quoi. C'est-à-dire qu'il estime sa valeur, il estime que ça, par exemple, ça coûte 6 000. Il le vend, ça coûte tant et tant. D'accord? Il fait cette estimation à la fin de l'année lunaire, donc au moment où il va sortir la zakat, et il fait cette estimation par rapport à ce qui, par rapport au prix de laquelle normalement on achète ses marchandises. Voilà. Ensuite, l'imam Abu Shouja rahimahullah dit, et on sort de ceci, donc de ce qui est mis à la vente. C'est combien? Comme vous voulez, on a le droit de dire le quart du dixième, ça en pourcentage, c'est-à-dire 2,5%, comme on l'a vu avant. Et il y a une petite divergence, mais les quatre écoles sont unanimes, sont d'accord, en fait, unanimes sur comme quoi il y a une zakat à sortir sur ce qui est mis en vente. On s'arrête ici. Je vais vous donner la parole, Inch'Allah, si vous avez des questions sur le cours de fiqh que l'on vient de faire, Barakallahu fik, et pas sur autre chose. Et après, on va faire le cours sur le tawhid, Inch'Allah. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا معاذ. Pas de questions sur le fiqh? Personne? Il y a une question, Inch'Allah. Donc, Abou Khalil pose la question, la zakat est obligatoire que sur les produits non périssables, c'est ça? Non, c'est pas ça. Comme je l'avais dit, même l'alimentaire. Je l'avais dit, même l'alimentaire. Ce qui voit. Qui comment dirais-je, c'est ce qui est mis à la vente et qui a une année qui est passée, révolue sur ceci. Donc il faut qu'il y ait une année révolue sur ceci. Voilà, ça va, oui. Alors la parole de Aïcha, que vous voulez, attendez, je vais vous la citer, Inch'Allah, si je la retrouve. Je veux le dire comme c'est dans le livre qui s'appelle Fiqh as-Sunnah. Dans le Muwatta, dans le livre Al-Muwatta de l'imam Malik, rahimullah, an Abdurrahman ibn al-Qasim, an Abihi, an Aishata, donc cette scène de transmission, jusqu'à Aisha, kanet talibanati akhiha, ou yatama fi hajraha, lahunna huli, ou la tukhrij min hulihinna zaka. Donc Aisha, radiallahu anha, comment dirais-je, avait pris la responsabilité des filles de son frère. D'accord? Et la partie importante, c'est ici, la hunna huli. Et ces filles-là avaient des bijoux. Fala tukhriju min hulihinna zakah. Et elles ne sortaient pas de leurs bijoux la zakat. C'est dans le Muwatta de l'imam Malik, et ça a été rapporté aussi par Al-Bayhaqi. Voilà, c'est par rapport à ceci. Figure là, comme je l'ai dit, c'est cet avis-là, comme quoi il n'y a pas de zakat à sortir pour les bijoux de la femme, c'est l'avis de la majorité. Mais la majorité n'est pas un dalil comme on avait vu. C'est une information. Après, chacun voit par rapport à ce qu'il estime être le plus juste. Wallahu a'lam. Ah oui, concernant la sœur d'hier qui avait hérité de sa mère. Emma, ses bijoux sont restés dans son placard pendant des années. D'accord? Elle ne les a pas utilisés pour s'embellir. Ouais. Autre précision. Qu'en est-il de zakat pour elle? C'est simple. Qu'elle l'utilise ou pas, si jamais. Il faut bien comprendre ceci. D'abord, c'est est-ce que ces bijoux-là, pour elle, ce n'était pas des bijoux en aucun cas, c'est-à-dire qu'elle ne s'en servirait pour s'embellir. C'est juste, comment dirais-je, parce que comme ça faisait avant, ça fait toujours normalement maintenant. Quelqu'un qui a de l'argent, soit il met maintenant à notre époque en compte en banque, ou soit il achète de l'or, et puis comme on dit, il met sous l'oreiller ou dans le matelas, d'accord, comme réserve. Si la personne achète des bijoux juste dans cette intention-là, et qu'il ne les met jamais, c'est pas du tout pour les mettre, mais c'est dans cette intention-là, d'accord, donc c'est ça, en fin de compte, il faut qu'il sorte la zakat. Mais si c'est une femme qui a des bijoux, puis que de temps en temps, elle ne peut ne pas se l'interdire de s'embellir, donc c'est des bijoux. C'est pas du tout dans le sens. Même si ça peut servir au cas où, d'accord? Là, ça va dépendre pour la sœur. Ça va dépendre pour la sœur de quel avis elle prend. C'est à elle que revient ceci. Il faut que la sœur, elle sache quel avis elle prend entre la majorité et le mazhab al-Hanafi. D'accord? C'est à elle de voir ce qu'elle estime être le plus juste. Pour savoir si elle sort la zakat ou pas de cet or-là. Non, elle souhaiterait tous les donner. Mais ça, c'est autre chose. Si elle veut faire un... D'accord, donc même si elle n'est pas pour se venir... Oui, c'est-à-dire que si elle a des bijoux qui sont voués... Je m'explique, par exemple, une femme qui achète de l'or en lingots. Il n'y a pas de problème, ça, il y a de la zakat à sortir. D'accord? Maintenant, y a pas, elle veut acheter de l'or pour ne pas avoir de l'argent dans un compte en banque, mais elle veut de l'or. Elle n'a pas de lingots, ou alors le lingot est trop cher, elle va acheter donc de l'or sous une autre forme. D'accord? Donc là, il y a une zakat à sortir. Par contre, si c'est des bijoux et qu'elle, de temps en temps, elle peut les mettre, donc là, il y a une zakat. Là, il faut voir, elle aussi de voir l'or qu'elle a, c'est par rapport à quoi. Si c'est des bijoux de femme et qu'elle possède, donc il est possible qu'un jour ou l'autre, elle les mette, donc là, il faut qu'elle sache si, oui ou non, elle prend l'avis de la majorité ou pas, pour savoir si elle sort la zakat de cet or-là ou pas. Comme ça, on va la quête. Oui, pour Montassir, oui, comme je dis, Montassir, je sais pas s'il vient juste de rentrer ou maintenant ou pas. Comme j'ai dit, c'est la vie de Aïcha et de d'autres Sahaba, comme je vous l'avais dit, par rapport au fait qu'il n'y a pas de zakat. Mais par contre, il est très difficile de trouver, voire impossible de trouver un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi il n'y a pas de zakat à donner. Les zakat, parce que, comme j'ai cité le hadith qui a été authentifié par la Hakim et Al-Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien, enfin sa parole inclut bien, comme quoi une zakat va sortir. Wallahu a'lam. Pas d'autres questions, donc là on va faire le cours du tawhid inshallah. Alhamdulillah. Donc, alors hier on s'est arrêté. Ah, d'accord. La cinquième condition. Ok. Alhamdulillah. Donc oui, on est toujours sur le petit épître du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah, qui s'intitule Shurut la ilaha illallah, les conditions du la ilaha illallah, c'est-à-dire les conditions de la validité. Hein. Shurut sihhati la ilaha illallah, les conditions de la validité du la ilaha illallah. Et là maintenant, on va prendre la cinquième condition. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a dit al-khamis, donc la cinquième condition, al-mahabba, l'amour. Al-mahabbatu li hadhihi al-kalimati wa lima dalat alayhi wa sururu bi dhalik. Donc l'amour pour cette parole et pour ce quoi ça indique et pour ce quoi cette parole indique, donc appelle. Wa sururu bi dhalik. Et le fait d'être heureux par cela, donc par cette parole, par le la ilaha illallah, et qu'il n'y a pas de divinité par droit, sauf Allah. Donc, pour que cette parole profite, il faut aimer cette parole. Celui qui n'aime pas cette parole, qui n'aime pas, d'accord, le fait qu'il n'y a pas de divinité par droit, sauf Allah, qu'il aimerait, en fin de compte, qu'il y ait d'autres divinités, d'accord, donc il n'aime pas cette parole, ou qui n'est pas heureux par cette parole, qui n'est pas content de cette parole, eh bien, le son la ilaha illallah n'est pas valide. Wal'iyadhu billah. On va citer, d'abord avant de citer, je vais vous dire, c'est quoi, comme vous devez le savoir, donc c'est quoi le contraire? Al-munafi li karahatiha wa ma shamalat. C'est donc ce qui va à l'encontre de le fait de la détester. Celui qui déteste cette parole-là, même s'il a la connaissance, qu'il a la certitude que c'est vrai et qu'il ne fait aucun shirk, d'accord, qu'il a l'ikhlas, c'est-à-dire qu'il ne fait aucun shirk, mais que cette parole-là, fin de compte, il ne l'aime pas, eh bien, sa parole n'est pas valide. D'accord, donc il faut. Ouais, maintenant je vais vous dire, lire les preuves pour cette condition. Allah Azzawajal a dit. Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui avez cru. Man yartadda minkum an dini, celui qui se retourne, donc devient apostat. Man yartad, du verbe irtadda, et celui qui apostasie, comme beaucoup de vous doivent le savoir, on appelle al-murtad, du verbe irtadda, avec le dal, il est mushaddada. L'origine du mot, c'est radda. Retourner, d'accord, renvoyer quelque chose, retourner quelque chose, renvoyer quelque chose, et irtadda, c'est la forme iftarala. Pourquoi ça revient de cela? Parce qu'en fin de compte, la personne se retourne, c'est-à-dire qu'il va retourner, il va retourner au kufr après avoir eu l'islam, d'accord, il s'est retourné de sa croyance. Excusez-moi, il y avait quelque chose, voilà, j'en ai cité où, excusez-moi. Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dini, donc celui qui se retourne parmi vous de sa religion, c'est-à-dire qu'il apostasie, le mot murtad, et bien l'apostasie, comme vous savez, c'est ridda, d'accord, du verbe radda. Donc si jamais vous apostasiez de votre religion, qu'est-ce qui se passera? Fasawfa yatillahu biqawmin yuhibbuhum yuhibbuna, donc viendra un peuple, donc Allah, excusez-moi, alors Allah viendra avec un peuple, avec un groupe de gens, et ce groupe de gens aura cette caractéristique qui est yuhibbuhum wa yuhibbuna, donc Allah les aimera et eux ils l'aimeront. Et ensuite il y a quatre caractéristiques pour ce peuple, qu'Allah nous en fasse partie. La première, très importante, très négligé malheureusement. Adillatin ala al-mu'minin. Adilla, c'est le pluriel de valil, minadhul, humble, de l'humilité. C'est-à-dire qu'ils sont remplis d'humilité envers qui? Ala al-mu'minin, envers les croyants. Il faut être humble entre nous-mêmes, d'accord? Entre frères et sœurs, il faut être humble. Et non pas, comme on dirait à notre époque, enfin, plus ou moins les jeunes, se la jouer sur les autres frères, etc. D'accord? Il faut être humble. C'est la première caractéristique de ce peuple qui viendra, si jamais il y en a qui deviennent apostats, il y a ce peuple. Donc il faut garder et il faut acquérir, garder ces caractéristiques afin de ne pas justement tomber dans l'apostasie, inshallah. La première caractéristique, c'est envers les croyants. Il faut être humble, faire de l'humilité, être rempli d'humilité envers les croyants. D'accord? Ne pas s'enorgueillir envers les croyants. Deuxième caractéristique, et vous, comme là vous commencez à le voir normalement, et eh bien c'est al-wala wal-bara qu'on a déjà étudié. Donc l'alliance en Allah et les aveux en Allah, donc il faut s'allier aux croyants et si vous avouez des mécréants. Et donc ça passe par quoi? Par être humble, avoir de l'humilité envers les croyants. Deuxième caractéristique, Arizatin al-Kafin. Arizza, c'est le pluriel de Aziz. Aziz, c'est-à-dire puissant. D'accord? Al-Kafirin, sur qui? Sur les croyants? Non, sur les mécréants. Arizatin al-Kafirin. Deuxième caractéristique, là, Arizza, donc on va être puissant sur les mécréants. D'accord? Malheureusement, il y en a qui font le contraire, comme vous le savez. Qu'Allah nous en préserve. Ou alors qu'ils veulent puissant sur les mécréants et aussi sur les musulmans. Ils aiment bien s'enorgueillir et jouer les plus forts sur les musulmans. Donc il faut être un premier caractéristique, azillatin al-mu'minin, rempli d'humilité envers les croyants, arizatin al-kafirin, être puissant sur les mécréants. Troisième caractéristique, yujahiduna fi sabilillah, ils font le jihad dans le sentier d'Allah. Quatrième caractéristique, wala yakhafuna lawmata la'im, et ils n'ont pas peur du blâme du blâmeur. D'accord? Troisième caractéristique, ils font le jihad dans le sentier d'Allah. La quatrième caractéristique, ils n'ont pas peur du blâme du blâmeur. C'est clair. Quand on a ces quatre caractéristiques, on fait partie, inshallah, de ce groupe de gens que Allah aime et que eux, ils aiment vraiment Allah. Et, inshallah, ils sont préservés de la ridda, de l'apostasie, inshallah. C'est dans Surat Al-Maïda, la table servie, le verset 54. Et il y a les versets qui sont avant et après, ils sont très intéressants aussi par rapport au Wala wal-Bara et autres. Qual Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman. Il y a trois choses. Celui qui en lui s'y trouve, donc ces trois choses se trouvent en lui, qu'est-ce qui se passe? Wajada halawat al-iman. Il trouvera le goût de la foi, al-iman. D'accord? C'est quoi ces choses-là, ces trois choses-là? An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. À ce que Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que n'importe quelle autre chose ou autre personne en dehors de ces deux-là. C'est-à-dire qu'il faut plus aimer Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que soi-même, que même ses parents, que ses enfants, que son époux ou son épouse, etc. Ou que la dunya ou je ne sais quoi encore. Je coupe les micros, barakallahu fikum, car je vois qu'il y a ça commence à discuter alors qu'on est en plein cours. On ne fait pas ça quand on est en cours, on reste assis sur sa chaise, on regarde le professeur qui est devant le tableau, la craie à la main, et on ne parle pas entre élèves. Je vous retire les micros. Barakallahu fikoum. C'est pas question est-ce que je suis d'accord ou pas avec ce qui a été marqué. Certains le savent, mais c'est par rapport au respect du cours. Barakallahu fikoum. Voilà. je continue donc. La parole du prophète, voilà, c'est ce problème aussi quand on coupe le cours. Donc je reviens, donc il y a trois choses. Celui qui a ces trois choses en lui, eh bien il goûtera, il savoura l'iman, la foi. C'est quoi la première chose? À que Allah, c'est que Allah et son messager soient les plus aimés auprès de lui qu'autre que ces deux-là. D'accord? Donc il aime Allah et son messager plus que soi-même, plus que ses parents, ses enfants, ou son épouse, ou des choses de la dunya ou autre, d'accord? Ensuite, autre chose, et qu'il n'aime pas l'homme, donc il va pas aimer un être humain, sauf pourquoi? Il ne l'aime pas sauf pour Allah. C'est-à-dire que quand on doit aimer quelqu'un, c'est pour Allah, azza wa jalla. C'est-à-dire que ça doit être en accord avec ce qu'on a appris dans le tawhid, d'accord? Le wala wal bara. La troisième chose, an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh ankadahu Allah minhu كما يكره أن يقذف في النار. Troisième chose, c'est qu'il déteste à retourner dans la mécréance. وأن يكره أن يعود في الكفر. بعد إذ أنقذه الله من. Après que Allah les sauvé de lui. Donc les sauvé, la sauvé de, comment dirais-je, de la mécréance. كما يكره أن يقذف في النار, comme il déteste à ce qu'on le jette dans le feu. Fin du hadith. Ce hadith est muttafaqun alayhi. Muttafaqun alayhi veut dire, linguistiquement, ça veut dire qu'il a été unanimement reconnu. Mais en fin de compte, c'est-à-dire qu'il est reconnu par deux savants qui sont Al-Bukhari et Muslim, et dans deux livres, c'est-à-dire c'est dans le Sahih de Bukhari et le Sahih de Muslim. C'est pas dans un autre livre de l'imam Al-Bukhari, par exemple. Et il faut aussi que ces deux hadiths soient non pas des ce qu'on appelle tarliqat, mais il faut qu'ils soient aient une chaîne de transmission complète. Ça, c'est une chaîne, si on dit Mustalah Hadith, on verra ça en détail. D'accord, donc ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim dans deux sahih avec leurs conditions pour que le hadith soit sahih. Ensuite, un autre hadith, c'est dans Sahih Bukhari, c'est le numéro 16, et dans le Sahih Muslim, c'est le numéro 43. Ensuite, un autre hadith, Inch'Allah, قال النبي صلى الله عليه وسلم, donc le prophète صلى الله عليه وآله وسلم a dit, أوثق على الإيمان. أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى الإيمان. La lance la plus sûre de la foi. D'accord ? Parce que l'Iman, elle a des roulas, des anses, c'est-à-dire des choses, des poignées par lesquelles on s'accroche. أوثق à la wazn afral, ism tafdil. Donc le plus. أوثق, ثقة, le plus sûr. أوثق عرى الإيمان, la lance la plus sûre de la foi, c'est laquelle ? Donc pour être. Par quelle anse on va prendre pour être sûr de rester sur la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Muwalatu fillah, l'alliance dans Allah, c'est-à-dire qu'il faut s'allier avec les gens, mais en Allah. Donc s'allier avec les croyants. Wal-Mu'adatu fillah, et le fait d'avoir de l'animosité en Allah, donc on va avoir de l'animosité envers les mécréants. Wal-Hubbu fillah, et l'amour en Allah. والبغض في الله إلى أن الله رواه الطبراني وحسنه الألباني. Donc ce hadith est rapporté par Al-Tabarani et Al-Albani a dit qu'il était hasan, il était bon. Alors certains vont dire, en ça j'en ai déjà parlé par rapport au verset qui est dans le surat Al-Mumtahana ou Al-Mumtahina, je vais vous le répéter ici. On pourra dire que Al-Muwala c'est comme Al-Hub, Al-Muwala, l'alliance, c'est comme Al-Hub. Non, je vais vous remémorer cela. Al-Muwala, c'est par rapport aux actes du corps et à la parole. Et le hub, c'est dans le cœur. Ça veut dire qu'il faut dans le cœur aimer en Allah. Et il faut aussi le prouver, le faire par les actes. D'accord? Donc, chercher l'amitié, chercher des amis parmi les croyants, etc. Il ne faut pas seulement que aimer dans le cœur. Et puis, en fin de compte, dans les actes, il n'y a pas cet amour. N'est pas traduite. Il faut traduire cet amour qui est dans le cœur dans le fait de s'allier en Allah. Ou al-bourd, c'est la haine, c'est aussi une chose qui est dans le cœur. La haine, il faut avoir de la haine pour Allah, d'accord ? Donc il faut détester la mécréance et les gens de la mécréance. Et il faut là aussi, eh bien, le traduire par al-mu'ada, l'animosité, qui ça va se traduire. L'animosité, c'est par rapport aux actes et à la parole. Comme par exemple de leur dire tout simplement lakum dinukum wala din, vous avez votre religion, j'ai ma religion. De leur dire bah, qu'ils sont dans la mécréance, d'accord, et qu'il faut qu'ils arrêtent s'ils veulent pas rentrer en enfer éternellement. Ça se fait aussi par la hijra, donc se séparer des mécréants pour aller rejoindre les musulmans, et si possible. Et à la base, ce qui est obligatoire, c'est ça, c'est donc de partir de Dal Kufr, de n'importe quel Dal Kufr, donc d'une terre de mécréance vers une terre de l'islam. Inch'Allah, on pourra en parler des divisions et des divergences à partir de quand une terre de mécréance devient une terre de l'islam et quand une terre de l'islam devient une terre de mécréance. Parce qu'il y a des divergences sur ça et c'est intéressant de savoir, notamment par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et depuis pas mal de temps. Et bien sûr, le summum, de Al-Wala Warbara, et ben c'est le djihad, c'est quand on retourne vers les mécréants, mais avec une épée, pour les inviter à l'islam ou à ce qu'ils payent la jizya. Ben sinon, ben, comme on va l'apprendre, Inch'Allah, dans le cours de fiqh, quand on arrivera au chapitre du djihad, on verra ce qui se passera, Inch'Allah. Et donc le djihad, c'est le summum de la foi. Et c'est le summum de quoi? Ben, de l'Al-Wala Wal-Bara. Bien sûr, il faut avoir le tawhid. Heureusement que j'ai bloqué les écritures, sinon je pense que là certains auront mis quelques annotations dans Paltalk. Bon, je continue, Inch'Allah. Il est, ouais, il reste 10 minutes. Donc, je vais vous citer maintenant un autre verset, toujours par rapport à la condition qui est el-mahabba, l'amour. L'amour pour cette parole de la ilaha illallah. On doit aimer la ilaha illallah, on doit aimer qu'il n'y a pas de divinité par voie sauf Allah. On doit aimer Allah et on doit détester qui? Ah, j'entends déjà des... Oh, j'attends, oui, exactement, c'est le Tarout. Il faut détester le Tarout et les gens du Tarout, comme il faut aimer Allah et les gens qui suivent vraiment Allah. Barakallahu fikoum. Donc Allah Azzawajal a dit, Qul, dit, donc là il interprète, il interpelle son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Qul, dit, In kuntum tuhibbun Allah, si vous aimez Allah, donc c'est-à-dire que si vous prétendez vraiment à aimer Allah, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Fattabi'uni, alors suivez-moi. D'accord? Donc ceux qui ne suivent pas la sunna, d'accord? Et qui sont les premiers qui ne suivent pas la sunna? Et bien ce sont les mécréants, parce qu'ils ne suivent pas le prophète, d'accord? C'est avant tout eux qui sont visés. Parce que chrétiens, juifs, bouddhistes, athées ou autres, ne suivent pas le prophète, d'accord? Ils ne le suivent pas. D'accord? Qul dit, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Alors, dit, si vous êtes à aimer Allah, donc à vraiment aimer Allah, fattabi'uni. Alors, suivez-moi. D'accord? Ça veut dire que ceux-là qui ne suivent pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, en fin de compte, même s'ils le disent et même s'ils le pensent, eh bien non, ils n'aiment pas Allah azzawajal. Qu'est-ce qui se passera? Fattabirun, alors suivez-moi. Et si vous me suivez, qu'est-ce qui se passe? Yuhbibukumullah. Allah vous aimera. D'accord? Fattabiruni yuhbibukumullah. Et pour ceux qui aiment le an-nahou, la grammaire, tout ça, langue arabe, comme j'aime, yuhbib, c'est un fi'l mudari' majzoum. Limadha huwa majzoum? Yana huwa fi. Il est dans la réponse d'une demande. Ça veut dire que si vous me suivez, donc là c'était pas moi Erwan, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous me suivez, qu'est-ce qui se passera? Allah vous aimera. Ça implique quoi? Que ceux qui ne suivent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne les aime pas. D'accord? Donc ils sont mécréants, ce sont les mécréants. Donc si vous me suivez, faites tabir ou noir, suivez-moi. Et donc, qu'est-ce qui se passera si vous me suivez? Yuhbibukumullah, Allah vous aimera. Wa yaghfir lakum dhunubakum, et Allah pardonnera vos péchés. Subhanallah. Tout le se mérite pour quand on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ghafur rahim, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Qul. Et Allah azzawajal, il redonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire ceci. Dis. Ati'u Allah wa rasoul. Obéissez à Allah et à son messager, d'accord? Ati'u, du verbe ata'a, yuti'u, ta'a. Obéissez, l'obéissance, obéissez à Allah et à son messager. Fa'in tawallaw, et s'ils se détournent, donc si les gens se détournent de cela, ne veulent pas obéir à Allah et à son messager, donc ne veulent pas suivre le messager. Fa'in tawallaw, fa'inna Allah la yuhibbul kafirin. Alors s'ils se détournent de cet appel-là, qu'est-ce qui se passe? Fa'inna Allah la yuhibbul kafirin. Alors certes, Allah n'aime pas les mécréants, qu'Allah nous préserve de mourir sur la mécréance. Ça, c'est dans Surat Al-Imran, et c'est le verset 31 et 32. Voilà. Je vais voir si, par rapport au temps, je peux faire la sixième condition, et dans la même condition, ça va être un petit peu long, et dans la même condition, on va en plus discuter des arcanes de l'Iman, Donc il est déjà moins 5, mais on va s'arrêter là, Inch'Allah, on reprendra demain. Je vais vous donner l'écriture. Barakallahu fikoum. Si vous avez des questions, c'est sur le cours. Pas d'annotation. Que je sois d'accord avec ou pas, là n'est pas le problème. Donc si vous écrivez, c'est pour poser des questions sur ce qu'on vient d'étudier, et donc qui est la cinquième, al-khamis, oui, la cinquième condition de la validité de cette parole, la ilaha illallah, qui est al-mahabba, l'amour, barakallahu fikum. Je vous donne l'écriture. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ أكثر الناس في هذا يولون الكفار بالإسلام يزعمون به، وما فهمه الأفضل إن كنا في ذلك الكفر مثلا فرنسا. Donc il y a le frère Anas Abu Hudhaifa. Donc wa alayhi salam wa barakatou, qui dit cheikh, non c'est pas cheikh, il dit ah, oh mon frère. La plupart des gens dans ceci, ils s'allient au kuffar contre l'islam, la plupart des gens. Là c'est une parole déjà un petit peu si c'est les gens, c'est-à-dire que les koufars les saluent aux koufars, oui, par contre, si c'est les musulmans, là, il faut quand même le prouver. Hein, c'est la plupart. Oui, Azamoun, ils prétendent, bihi, bifama, ils le prétendent, non. Fama hu al-afdal in kunna fi dar al-kufr, mathalan fransa. Mithl fransa. Donc, c'est quoi le mieux si on est dans dar al-kufr, dans la terre de la mécréance, comme la France? C'est quoi le mieux? Bah, comme le mieux, la réponse est dans ce que je viens de dire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de divergence sur ça, c'est impossible. Sur ça, déjà de dire que la France n'est pas un dalokouf là-dedans. La France est un dalokouf, c'est une terre de la mécréance, d'accord? Et qu'à la base, eh ben, il faut faire la hijra d'une, et qu'ensuite, eh ben, si c'est donc aller dans dal islam, si possible. Et voilà. Après, bien sûr, il faudra que définir, mais là ça va prendre un peu de temps. Inch'Allah, c'est pas dans ce cours-là que je vais définir, suivant les avis des savants, ce qu'est un dar islam, un dar al-kufr. À la base, je vous dire juste un avis, qui est l'avis le plus juste, Inch'Allah, qui est l'avis du madame, notamment du madame al-Hanbali, et c'est aussi une parole dans le madame al-Hanafi, c'est que dar al-kufr, pour ceux qui nous entendent parmi certaines personnes, c'est aussi l'avis de Ibn Baz, sachez-le. C'est que un dar islam, la terre de l'islam, c'est quoi? C'est dar allati tajri alayha ahkam l'islam. C'est la terre sur laquelle a lieu quoi? Les lois de l'islam. C'est-à-dire que si dans un pays c'est la sharia qui est appliquée, c'est ça, c'est dar islam. S'il n'y a pas la sharia, c'est un dar al-kufr. C'est l'avis du madhhab al-Hanbali, et c'est aussi un avis dans le madhhab al-Hanafi. Barakallahu fikoum. Il y a d'autres avis par rapport à ça, Wallahu ta'ala a'lam. Alors, Abu Wan Kenobi dit, pourquoi s'ils ne suivent pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont forcément mécréants? Parce que s'ils ne le suivent pas, donc c'est vrai qu'ils ne reconnaissent pas qu'il est prophète. Donc il n'y a pas la deuxième moitié, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, donc ils ne témoignent pas que Muhammad est le messager d'Allah. D'accord? Donc celui qui ne témoigne pas que le prophète Mohammed est le messager d'Allah alors que l'islam lui est parvenu, d'accord, eh bien c'est un mécréant. Je vais, Inch'Allah, essayer de vite faire ressortir. Sachant, non, Abu Mourad, il dit, sachant qu'il n'y a plus de Dar Islam. Là, je ne suis pas d'accord. Il y a Dar Islam sur Terre. Dar Islam est sur Terre. J'ai bien dit que Dar Islam, c'est tout endroit, petit ou grand, où la charia est appliquée. D'accord? Il y a de Dar Islam sur Terre. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ceux qui disent, oh, il faut que ça fasse au moins, je sais pas moi, la superficie de, je sais pas moi, de 10 000 km², je sais pas quoi, on leur dit, le premier dal islam qui a été en islam, c'est Médine. D'accord? Et autour, il y avait Dhul-Kufr, et c'était pas aussi grand qu'un pays de notre époque. C'était petit, le Dhul Islam. Et après, petit à petit, ça s'est propagé, ça s'est agrandi. D'accord? Donc, quand il y a un endroit où les musulmans gouvernent et ils appliquent la charia, c'est Dhul Islam, barakallahu fikoum, il y a. Ah, excuse-moi, Astaghfirullah. Ah, j'ai juste lu Astaghfirullah. Je suis désolé. Il y a Abba Mouraz, je te demande de m'excuser. J'ai pas vu ce que tu as juste marqué d'après. Ah, d'accord. À part la Daoula Islamia. Oui, mais il y a d'autres aussi. Hein. Il y a d'autres qui appliquent aussi l'islam. Qui appliquent la charia. Parce que là, à un moment, il y en a. La Somalie, exact. Ouais. Tous les pays arabes musulmans ne font pas la voilà. Alors voilà, Abu Mourad, oui, pose la question, sachant que les pays arabes musulmans, hein, et même pas que les arabes musulmans, mais les pays d'autres qui sont en Asie, hein, comment dirais-je, les conditions qui sont dans l'islam, notamment par rapport au mazhab Hanbali et à Hanafi, ils ne sont pas dar islam, sont dar le kufr. Bel dar ridda, une terre d'apostasie, par rapport à la condition que j'ai donnée. Est-ce qu'on peut faire la hijra chez eux? Eh bien, c'est comment dire, comme j'avais dit, il faut à la base la hijra, c'est de quitter dar le kufr pour un dar islam. D'accord? À la base. Et si l'on peut. Si l'on ne peut pas, on fait quoi? Ben on va appliquer ce qui est le mieux. C'est-à-dire que si on est dans un dar le kufr, dans un pays de la mécréance, et qui dans ce pays-là, il y a beaucoup de complications pour appliquer l'islam, et qu'on ne veut pas aller dans Dar l'islam, dans un Dar l'islam, eh bien on va aller dans un autre Dar al-Kufr, d'accord? On va faire une hijra, ça va être comme une hijra, et je vais vous donner la preuve sur ceci, dans un autre Dar al-Kufr, où ça va être beaucoup plus facile d'appliquer l'islam. Comment ça? Le dalil, que vous savez normalement, peut-être que vous n'avez jamais, enfin, ou ça le savent, mais certains peut-être le savent pas, et connaissent le dalil, mais n'ont pas fait le rapprochement. La première hijra, et on dit comme ça, hein, la première hijra c'était laquelle? La première hijra c'était laquelle? C'était des musulmans qui ont quitté une terre de mécréance vers une autre terre de mécréance. Comment ça? Normalement vous avez, je pense, tous lu au moins un livre dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle As-Sira, d'accord? Et qu'à un moment donné, eh bien le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé aux musulmans de la Mecque qui se faisaient persécuter, torturer, qui ne pouvaient pas supporter, d'aller chez Al-Habasha, les Abyssins, ce qui à notre époque correspond à l'Éthiopie. Parce que là-bas, il y avait un roi chrétien, donc kafir, à la base, qui était plus juste et qu'ils allaient moins être embêtés pour pratiquer leur islam. Et donc, ils ont fait cette hijra. D'accord? Et ça, c'est la preuve comme quoi une personne, un musulman qui est dans, ou une musulmane qui est dans Dal Kufr, et là où il est, dans ce Dal Kufr, il est persécuté ou autre, ou même si c'est pas vraiment persécuté, c'est difficile pour lui d'appliquer l'islam, et qu'il ne peut pas aller dans une terre d'islam, il va aller au minimum dans un autre Dal-Kufr, mais qui sera plus facile pour lui d'appliquer son islam. Voilà. Après, c'est à chaque personne, c'est à chaque. Après, c'est une faute personnelle pour savoir si lui ou non il doit aller là ou pas. Hein. À chacun d'être sincère envers lui-même après. Alors, je m'en vais juste une chose à Anas Abu Hudhaifa, étant donné que c'est un forum francophone, d'écrire en français, Barakallahu fikoum, ainsi que les autres, parce que maintenant ça commence à parler, à écrire en arabe. Pour moi, il n'y a pas de problème, mais la majorité, je pense, hein, ne comprennent pas l'arabe. D'accord? Donc, je vais te dire, mais s'il vous plaît, par la suite, écrivez en français. Donc, Abu Hudhaifa a dit, Fala yujadu fi hadha zaman baladun wa fihi shari'atullah, illa rinat dawla islamiyya. Farina al-Hijab Hunak, donc Anas Abu Hanifa dit Fala yujad fi hadha zaman, donc il n'y a pas dans cette époque maintenant, balad, un pays, wa fihi shari'atullah, et dedans il y a la charia d'Allah, la loi d'Allah, illa rinat dawla islamia, sauf dans l'État islamique. Donc déjà, ça parle implique, comme il le dit maintenant, que pour lui, il n'y a que la dawla qui applique la charia sur terre. Donc tout ce qui. Ce qu'on appelle les Shababs qui sont en Somalie, qui détiennent une grande partie du pays de la Somalie et qu'ils appliquent comme eux les prétendent la charia. Donc pour lui, ils n'appliquent pas la charia. Il faudra qu'il explique ça. Ainsi que d'autres. Dans d'autres pays, il y a des régions où on applique la charia. Première chose pour Anas Abu Hudayfa. Deuxième chose, Faralina Bilhajj Hunak. Donc est-ce qu'on doit faire la hijra là-bas? On doit faire la hijra, comme je dis, vers Dar Islam. Donc la réponse est là. Que ce soit pour l'État islamique ou pas, c'est dans Dar Islam. Oui, le fait d'émigrer d'un pays de Kouf vers un autre pays de Kouf, on peut appeler ça hijra, oui, parce que la première hijra, comme les savants le disent, c'était une hijra dans Dal Kouf vers Dal Kouf, mais comme je l'ai dit, qui était plus faible. Mais la hijra en tant que. On veut dire que la hijra. Comment je veux dire la hijra légiférée, celle qui est obligatoire avant tout. D'accord? Et c'est celle qui est comprise quand on parle de hijra sans donner de, comment dirais-je, de couyoud, comme on dit en arabe, c'est-à-dire que de paramètres en plus, comme j'ai fait pour cette hijra que j'ai dit, c'est de quitter Dar Kouf pour Dar Islam. Ça, c'est ce qu'on appelle la hijra, avec un H majuscule, d'accord? Quand on dit la hijra, c'est cette hijra-là qui est comprise. C'est de partir Dar Kouf vers Dar Islam. Mais il y a une, d'accord? Je vais pas dire là, mais il y a une hijra qui peut se faire si la personne ne peut pas aller dans l'islam, c'est comme je vous l'ai expliqué. Alors, Isma 459 pose une question. Un dar, donc une terre où la charia est appliquée, donc c'est dar l'islam. On doit y aller même en temps de guerre. La réponse. Médine était en guerre contre les Quraysh de la Mecque, d'accord, et pourtant il y avait la hijra à faire vers Médine. Donc oui, même en temps de guerre. Maintenant, il y a, comme on dit, il y a guerre et guerre. Si le pays qui est en guerre a des difficultés pour lui-même à se protéger et à accepter, comment dirais-je, à protéger ceux qui vont venir, donc là, il faut être prudent. Et ça, c'est au gouverneur de l'État qui applique la charia, d'être sincère et de dire aux gens si oui ou non il peut. Il a la capacité d'accepter que les gens viennent dans son état pour faire la hijra. Donc ça revient pas à moi de le dire, ça revient à ceux qui gouvernent dans le monde à notre époque, ou plus tard, parce que ça peut changer dans 10 ans, dans 100 ans, d'accord? Ceux qui gouvernent un Dar Islam, eh bien, c'est à eux de dire si ou non ils ont la capacité d'accepter, dans le sens, ils doivent accepter, mais de protéger et d'assurer les gens qui vont faire la hijla chez eux. Pour les femmes et les enfants, c'est pareil. C'est au gouverneur de dire si ou non ce n'est pas à moi. Non, je suis désolé, je parlais de Sandoré car il est connu. Mais les autres, on le voit comme la Somalie est connue aussi. Hein. Je n'étais pas au courant. Ah bah, pourtant, aux informations, tout ça, quand on s'intéresse. Enfin bref, c'est pas un problème. C'est pour ça que j'aime parler d'une manière générale et non pas sur des cas précis. On va dire un Dal Islam, là où la charia qui est appliquée. Pas la peine de dire tel ou tel ou tel. Chacun doit savoir, chacun doit être sincère. Comme ça, on ne tombe pas dans ce genre de problème où. D'erreur en disant qu'il n'y a que ce pays, il n'y a que la Daoula, il n'y a que l'État islamique qui applique la charia, alors qu'on ne sait pas. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que moi je préfère, et j'essaie toujours de ne pas citer comment dire, de tomber dans ça. Donc voilà. Après, chacun doit comprendre comme cela doit être compris. Je voudrais juste revenir sur une chose. Une parole qu'a dit Ismama 59 en arabe. Ad-Daoulatu yal khilafatu. Elle a dit l'État. C'est le khilafa, donc c'est là où il y a le calife. Une petite chose, d'accord, qui peut être grande. Est-ce que oui ou non, et là je vais parler de manière un peu intemporelle, je ne parle pas pour ce qui se passe à notre époque dans une certaine région au Moyen-Orient, d'accord? Barakallahu fikoum. Et ce que vous avez compris, donc ce que je veux dire, c'est valable pour notre époque ou dans 100 ans ou dans 1000 ans, ou ce qui était avant. Si il y a un pays où il y a dans ce pays al-Khilafa, donc il y a un khalif, il y a un calife, est-ce que c'est possible qu'il y ait un autre État un autre pays qui applique la charia, d'accord, qui ne prétend pas, que le gouvernement ne prétend pas qu'il soit calife, est-ce que oui ou non ça c'est un dar l'islam, l'autre aussi? La réponse est oui. La preuve, eh ben la preuve ça s'est passé, on peut dire que ça s'est passé à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Ibn Taymiyyah, le cheikh d'Islam Ibn Taymiyyah se base sur ceci, je vais le citer, comme quoi il peut y avoir deux royaumes ou autres, et les deux sont de dar l'islam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait ce qu'on appelle le Sulh Hudaybiyah, d'accord, le pacte de Hudaybiyah. C'est-à-dire qu'il a fait un pacte avec Quraysh, comme quoi la guerre s'arrêtait pendant 10 années, avec des conditions. On ne va pas rentrer dans la conclusion, c'est un grand événement, il y a beaucoup de choses à profiter. Je vais juste aller directement à la chose voulue. D'accord? Donc, on peut dire que le Khilafa, c'était là. Le gouverneur, donc le khalifa, par excellence, c'était le prophète, d'accord? Et qui était à Médine. Dans ces conditions, c'était interdit que les musulmans qui s'échappaient de la Mecque et qui allaient à Médine, c'était interdit à ce que le prophète, donc les musulmans de Médine, les acceptent, les accueillent, mais ils devaient obligatoirement les retourner à la Mecque. Et c'est ce qui s'était passé. Donc, qu'ont fait les musulmans qui étaient à la Mecque et qui voulaient fuir de la Mecque, fuir de la persécution, ils ne pouvaient pas aller à Médine, eh bien ils sont partis, notamment Abou Bassir, pour ceux qui connaissent cet événement qui est plein de profit, et ils sont allés non pas à Médine, mais ils sont allés sur la côte de la mer Rouge. Et que faisaient ces gens-là, que faisaient ces musulmans-là? Eh bien ils attaquaient les caravanes de Quraysh. Et donc Quraysh, ça les embêtait. Donc Abou Bassir faisait attaquer les caravanes, donc ils attaquaient l'économie, notez bien, ils attaquaient l'économie de la terre mécrante, qui est à cette époque donc la Mecque, par les Quraysh, d'accord? Ça les gênait beaucoup. Question. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'attaquait pas, lui, les caravanes de Quraysh? Parce qu'il avait un pacte. Les Médinois, les musulmans de Médine, avaient un pacte avec les mécréants de la Mecque, comme quoi ils ne devaient pas s'agresser pendant 10 ans, pas de guerre, ni même attaquer une caravane ou autre. Donc, Abou Bassir et ceux qui étaient avec lui n'avaient pas de pacte avec Quraysh parce qu'ils n'étaient pas à Médine. Et en fin de compte, ils ne rentraient pas sous ce pays, sous ce dar islam qui était Médine. D'accord? Et donc, en fin de compte, eh ben, ils avaient fait former leur groupe, un petit groupe armé, qui attaquait et qui terrorisait les caravanes de Quraysh, de ce qu'ils pouvaient, et qui provenaient le ranima, le butin. Et ça embêtait beaucoup, très fortement, les mécréants de la Mecque, les Quraysh. On tire de ça, comme a dit le cheikh Islam Taymiyyah, il peut avoir deux pays distincts musulmans, deux gouvernements musulmans, et les deux sont dans l'islam. D'accord? Et que un peut avoir un pacte de non-agression avec un pays musulman, mais l'autre non. Et donc l'autre peut attaquer. D'accord? Ça, c'est pour la réponse, c'est pour expliquer un peu ce qui peut se passer. C'est parce qu'il y a un pays qui va dire c'est lui le calife et autres, que ce soit vrai ou pas, là n'est pas la question. Ça veut dire que tous les autres pays qui ne sont pas sous ce calife, eh ben, ne sont pas dans l'islam. Non, ils sont toujours dans l'islam. Voilà. Et on reparlera, Inch'Allah, dans le livre du djihad, dans le chapitre du djihad, qu'on fera le filtre sur cet événement de Abou Bassir et les profits. D'ailleurs, je pense que vous avez pu en comprendre certains par rapport à cet événement. Et ce hadith-là, qui est très long, se trouve dans Sahih al-Bukhari. Se trouve dans Sahih de al-Bukhari. Barakallahu fikoum. Je vous incite à lire le hadith de Sulh Hudaybiyah, qui est très long, et notamment à la fin, comment dirais-je, cet événement-là qu'il y a eu avec Abou Bassir. Très intéressant. On va lire ce passage-là, Inch'Allah, mais peut-être pas maintenant. Ah oui, juste aussi pour finir, comme quoi ce groupe armé de Abou Bassir qui terrorisait les mécréants de la Mecque en attaquant leur économie par la caravane, d'accord? Parce que l'économie de la Mecque, c'était par rapport au voyage en hiver au Yémen, par faire le commerce, en été, ils allaient, excuse-moi, en été, c'était les Alomènes, en hiver, ils allaient au Chem, d'accord? Faire le commerce. Ça les a tellement gênés, d'accord, qu'ils se fassent terroriser par ceci, qu'ils fassent prendre leur argent, que leur économie était très touchée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, et lui ont dit, écoute, On enlève la condition comme quoi les musulmans de la Mecque, quand ils s'échappent, ils ne vont plus à Médine sans que tu les retournes. Donc on enlève cette condition. Si jamais il y a des musulmans qui s'échappent de Médine, eh bien, qui s'échappent de la Mecque et qui vont à Médine, eh bien c'est bon, tu ne les renvoies plus à la Mecque. On a cette condition, mais à condition que toi, Mohamed, tu demandes à Abou Bassi et les autres qui rentrent dans notre pacte, c'est-à-dire de pacte de non-agression. Et le prophète, sallam, a accepté. Voilà. Alors je vais, excuse-moi, parce que pendant ce temps que je parlais, j'ai pas vu les questions. Alors là, pourtant j'avais bien dit, c'est le sujet que j'aime bien aussi, mais bon, j'avais bien dit qu'on pose des questions seulement sur le tawhid et seulement sur la cinquième condition qui est al-mahabba, l'amour. Pourquoi? Pour qui? Pour cette parole. Et comme j'avais dit, il faut aimer Allah et son prophète avant toute chose. Et là, c'est des questions qui sortent du cours. D'accord? Comme la question de Abu Imran, est un peu longue. Comme la lire, est-ce que la moula de l'Amérique est une redda pour eux? Alors, est-ce que la moula de l'Arabie Saoudite avec les mécréants est une redda pour eux? Ça, on l'étudiera. Cette réponse sera, Inch'Allah, dans le Nawak de l'Islam, dans les animations de l'Islam. Est-ce que les savants ayant fait des fatwas appelant à la combat sans que l'alliance avec le mouchikin et le croisé contre les musulmans tombe dans la postille, ou bien sont-ils simplement des pervers et des ulama sous le mal barakloufik de la réponse à Khid? Wafi barakallah. J'ai pris qu'il considère comme khawarij. Ça, c'est pas. Ça rentre pas en compte. Qu'il considère comme khawarij ou autre, c'est pas ça. Ça n'a pas d'influence sur la réponse. Mais la réponse, Inch'Allah, je ne vais pas répondre ça maintenant. Mais quand on va étudier dans Nawaqid de l'Islam, et notamment ce Nawaqid, cette annulation qui est Muzaharatul Mushlikin ala al-Muslimin. Aider les mécréants, donc aider les mécréants contre les musulmans. C'est une annulation de l'Islam, et ça, on aura la réponse avec détaillée, Inch'Allah, quand on va y arriver. Barakallahu fikoum. Est-ce que Abou Bassi et les autres avaient un dar? Question. Ils étaient sur la côte. Ils habitaient sur la côte de la mer Noire. Donc là, il n'y avait pas Quraysh. Ils appliquaient quoi comme loi? Est-ce qu'on peut penser qu'ils appliquaient autre que la loi d'Allah Azzawajal? Donc c'était un dar islam là où ils étaient. Et ils avaient un amir, c'était le gouverneur, bien qu'il y avait le grand khalifa, le khalifa par excellence, qui était le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a laissé faire ceci, parce qu'il avait bien vu qu'il y avait un bien dans le fait que ce petit groupe armé, qui ne dépendait pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par rapport aux lois purement terrestres, c'est-à-dire que par rapport à l'État, d'accord, mais c'était musulman, il n'y avait pas de problème. Du fait qu'ils terrorisaient les mécréants, et donc ça, le prophète sur la somme en tirait profit. Abou Aman, oui, la prochaine fois, Inch'Allah, n'oublie pas cette question qui est très importante, mais s'il te plaît, Inch'Allah, dans les Nawak de l'Islam, dans les annulations de l'Islam. Bon, 22h20, Inch'Allah, apparemment, il n'y a plus de questions sur la cinquième condition qui était l'amour, les frères, l'amour. L'amour entre nous, d'accord? Entre les musulmans, entre les croyants. L'amour en Allah, et l'amour pour Allah, et le fait d'aimer Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. N'oublions pas ça. Abou Anfel dit, je vous aime tous en fillah. Je lui réponds, Ahabbakalladhi ahbabtana fi, que t'aimes celui en qui tu nous as aimés. Alaykoum salam. Anissa, oui, vous pouvez poser une question, Anissa 1. Repère de sage, on peut nommer cette condition Al-Wara wal-Bara. On peut nommer cette condition Al-Wara wal-Bara. J'ai pas compris la question. Excuse-moi, repère de sagesse. Est-ce que l'Al-Wara bara c'est une condition? C'est-à-dire, j'ai pas. Est-ce que staff, je suis désolé, j'ai pas vraiment compris la question de repère de sagesse de mon frère aimé repère de sagesse. Ah, Anissa dit, mais ce n'est pas sur le dars. Exact, ce n'est pas sur le cours. Bien que par rapport à l'amour aussi, ça peut être condition par rapport à la condition. Ah, c'est peut-être ça que, à repère de ça, je voulais demander. Est-ce que le wala al-bara rentre dans la condition de al-mahabba? Si, bah oui, tout à fait. Parce que comme le prophète, astaghfirullah, comme le cher Mohammed a dit, al-mahabba li hadhihi al-kalima wa lima dalat alayhi. Donc c'est aimer, la cinquième condition, c'est aimer cette parole, la ilaha illallah, et ce qui appelle à elle, c'est ce qui indique à elle, d'accord? Et comment dirais-je, qu'est-ce qui indique à elle? Quand on aime quand on aime cette parole, bah on aime les gens de cette parole. Donc ça rentre, d'accord, dans la condition. Comme on avait vu, la première petite épître qu'on avait vue, qui est Asruddin wa Qa'idatu Amran, le fondement de la religion et sa base de deux affaires, et bah dedans, dans ce fondement-là de la religion, le cheikh Mohammed ibn Wahhab avait cité notamment al-wala wal-bara. D'accord? Je vous le dis, al-muwalatu fihi, donc ça y est dedans, et après, wal-mu'adatu fihi, et le fait d'avoir de l'animosité en cela. Wafik. Donc apparemment pas de questions, donc on va finir ici, Inch'Allah, on va finir sur cette mahabba. Sur cet amour pour cette parole, pour les gens de cette parole que nous sommes et que nous devons mourir sur ceci, nous devons mourir sur cette parole, sur musulmans, en étant musulmans, comme beaucoup de prophètes, quand ils allaient mourir, conseillaient et ordonnaient une chose à leurs enfants, qui est de mourir en étant musulmans. D'accord? Pas. D'acquérir beaucoup de biens, d'avoir une bonne position sociale, d'être ceci, d'être cela, ou même par rapport à l'islam, dire attention, ne bois jamais d'alcool, mais c'est quoi? Ce que les prophètes disaient à leurs enfants quand ils allaient mourir, le dernier conseil, leur dernier testament, c'était quoi? Eh bien, c'était de ne pas mourir sauf en étant musulman, l'islam, parce que c'est plus important de mourir en étant musulman pour pas aller en enfer éternellement. Je vais vous citer notamment un verset sur ça, ou deux, Inch'Allah. Wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Et Ibrahim, Abraham, a fait le testament par la parole, c'est-à-dire a ordonné, a conseillé par ceci, ses enfants, banihi wa Yaqub, et ainsi que Yaqub. Et il disait ça, il disait cela donc à leurs enfants. Ya baniya. Oh mes enfants, Inna Allah stafa lakum ad-din. Certes, Allah a choisi pour vous la religion. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Alors, ne mourrez pas sauf en étant musulmans, musulmans, soumis à Allah. D'accord? Am kuntum shuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li bani. Ou est-ce que vous étiez présents lorsque la mort est venue à Yaqub, lorsqu'il a dit, donc il allait mourir, et il a dit ça à ses enfants. D'accord? La dernière chose, parole qu'il a dit à ses enfants, c'était ceci. Bani, ma ta'buduna min ba'di, qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Donc après ma mort. Qalu, ils ont dit, na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahun wahida. Quand nous, ils ont dit, nous adorons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Ishaq, une seule divinité, elle n'est qu'une seule divinité, donc c'est Allah Azzawajal, et nous, pour lui, pour Allah, on est musulmans, soumis, musulmans. Le micro est tombé, je n'avais pas vu, donc je ne sais pas si vous entendez ce que j'ai dit à la fin. Désolé, apparemment il y a un problème de micro, chaque fois il est tombé, je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai récité comme Coran. Il y a des coupures. Oh, J'arrive pas à savoir pourquoi le micro tombe. Pourtant, je ne touche à rien. Alors, est-ce qu'il y a un hacker ou autre? Est-ce que je me fais pirater ou autre? Je ne sais pas. Donc, on va finir ici, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Je vous remercie. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk.